Le spectacle commémoratif des 70 ans de la fanfare des forces populaires de l'intérieur de Corée a eu lieu le 6 mars au théâtre d'art Pongwon. Y ont assisté Choi Bu-il, ministre de la sécurité du peuple, les agents de sécurité du peuple et les militaires des forces populaires de l'intérieur. Sur la scène ont été montés des numéros variés, notamment la fanfare, notre général est l'étendard de la victoire, le trio de trompettes, oh, partez toujours avec vous, et le solo de saxophone, le monde magnanime.